La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver au troisième jour de cette série shakespearienne dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurane Travalli-Chanal et Julien Calvas. La vie de Shakespeare se confond en grande partie avec son œuvre. S'il a été un peu acteur, il a surtout été évidemment dramaturge, co-gérant et actionnaire de ce qui constituait alors la meilleure troupe d'Angleterre. Sur le plan personnel, il a eu 3 enfants, dont le garçon, prénommé Hamnet, est mort à l'âge de 11 ans. Et lui-même est mort à 52 ans dans la ville où il était né, à Stratford-upon-Avon. Tout cela, nous l'avons vu lundi au cours de notre émission introductive. C'était avec Gisèle Venet et Jean-Michel Desprats. Et puis hier, nous étions en compagnie de François Larocque, auteur du Dictionnaire amoureux de Shakespeare chez Plon, pour un portrait mosaïque de l'auteur de Macbeth. Enfin demain, nous irons à la découverte des personnages de Filou chez Shakespeare avant de reposer la question toujours brûlante de la paternité de ses pièces. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la façon dont Shakespeare parle du théâtre dans ses propres pièces, pour parler également des mises en scène qu'en a faites Peter Brook, je suis avec le critique universitaire et homme de théâtre, Georges Banu. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez publié en 2013 un essai qui s'intitule « Amour et désamour du théâtre » chez Actes Sud. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, pour plagier ce titre, que Shakespeare lui-même entretient une relation d'amour et de désamour avec le théâtre, Georges Banu? Moi, j'ai travaillé autour de cette question chez Shakespeare. J'ai pu publier, grâce à un ami chez Gallimard, une anthologie avec les textes de Shakespeare sur le théâtre. Parce qu'il n'y a pas de profession de foi de Shakespeare sur le théâtre. Donc, il n'y a pas l'impromptu comique, il n'y a pas le théâtre comique de Goldoni. Mais la pensée de Shakespeare est disséminée. Et pour répondre à votre question, je crois, pour moi, la révélation, c'est que dans Shakespeare, dans Hamlet, il y a une scène célèbre où Hamlet, pour vérifier les dires de son père assassiné, met en scène un spectacle pour voir si le roi Claudius usurpateur réagit au théâtre. Donc c'est le meurtre de Gonzague. Le meurtre de Gonzague. Il y a des détails intéressants. Mais enfin, pour répondre à votre question, c'est que Claudius se lève, hurle, il dit « lumière, lumière, lumière ». Donc le théâtre a réussi à confirmer les dires du fantôme. Mais après cela, il y a une phrase extraordinaire qui n'a jamais été, à mon avis, je ne connais pas tous les textes de Shakespeare, sur Hamlet en particulier, il y a une phrase terrible d'Hamlet. Il dit « comment tout ça pour un coup de feu tiré à blanc ». Mmh. Donc, c'est en même temps le mot le plus méprisant à l'égard du théâtre. Mmh. Le théâtre, c'est un coup de feu tiré à blanc. C'est qu'on se sert du théâtre, mais on conteste tout à fait la réalité, la valeur, comment dire, existentielle du théâtre. Et je crois que ce que vous dites, c'est vrai. Mais je pense aussi que dans Shakespeare, plus que dans d'autres auteurs, peut-être dans Calderon de la Barca, il y a toujours une confusion entre le théâtre et le rêve. Mmh. Donc Shakespeare donne sa vie au théâtre et en même temps, il n'est pas dupe de ce que le théâtre représente. Il n'est pas dupe. Moi, ça m'a permis de traverser l'œuvre de Shakespeare avec une étoile polaire, c'est-à-dire que voir où il parle du théâtre. Et ses discours sont des discours extrêmement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, le théâtre est exalté, de l'autre côté, le théâtre est dévalué. L'acteur, Coriolan, le grand héros, il dit « Et me voilà en train de bégayer comme un acteur stupide sur le plateau. » Donc, c'est pas une exaltation. Hamlet dit, parle de l'acteur qui joue le rôle titre, il dit voilà, qu'est-ce qu'est Cube pour lui. Donc, il y a dans, parce qu'il n'y a pas de voix unique de Shakespeare, de position unique à l'égard du théâtre, il y a cette multiplicité des positions. Et je crois que ce qui est extraordinairement intéressant, ce sont, et si quelqu'un nous écoute, les pièces, on les connaît. Mais il faut écouter les prologues et les épilogues, mm-hmm. qui sont de véritables leçons de théâtre. Dans les prologues, on nous explique, il explique un public mélangé, hétéroclite, comment regarder le théâtre, comment faire la part entre la convention et l'illusion. Dans le Songe nu d'été, les acteurs se posent la question, comment faire en sorte que pour que le public ne soit pas apeuré, parce qu'ils ont peur des décisions du public, de les sanctionner, mais à la fin, dans l'extraordinaire final, comme ça, du Songe nu d'été, on dit aux spectateurs, rentrez chez vous, souvenez-vous du théâtre comme d'un rêve. Mmh. Donc, pour moi, c'est devenu une assimilation baroque entre le théâtre et le rêve. Mais je me suis dit, au fond, ce qu'il avait saisi et l'intuition fondamentale qu'il a eue, c'est que du théâtre, on ne peut avoir que des souvenirs fragmentaires. On se souvient de la narration, mais du spectacle qu'on a vu, on n'a que des souvenirs fragmentaires. Moi, j'ai une assez bonne mémoire, mais je ne peux jamais dérouler le spectacle dans son intégralité. Donc, on est dans l'inconscient. Ben, voilà, on est un peu comme dans l'inconscient, et la mémoire du théâtre est une mémoire qui s'organise comment, selon la logique des rêves. Donc, finalement, il suffirait de faire lire aux étudiants acteurs ou aux aspirants metteurs en scène ces textes de Shakespeare dont vous parlez, notamment certains prologues, pour qu'ils comprennent, ou épilogues, pour qu'ils comprennent au fond comment on fait du théâtre. C'est-à-dire, je crois que c'est un peu dangereux, parce que d'un côté, Shakespeare vous exalte comme acteur. Il y a le fameux monologue d'Hamlet sur le théâtre comme miroir du monde, sur les acteurs qui s'investissent dans le rôle. Mais de l'autre côté, il y a un discours terrible de Shakespeare sur la médiocrité des acteurs. Mm-hmm. Sur Cléopâtre dit... Comment je vais être tiré sur les avenues de Rome comme une marionnette? Donc, tout ce qui est lié au fond, je dirais ça, c'est que tout ce qui est lié au théâtre dans le théâtre comme pratique théâtrale est ambigu et incertain. Donc, il y a une forme de frustration de Shakespeare par rapport à son activité, même peut-être une forme de dégoût aussi. Moi, je dirais pas frustration, je dirais lucidité. Parce que quand j'ai écrit ce petit livre qui me tient à cœur, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas trop bien marché. Ah ben, on va redire le titre alors, hein. Ça s'appelle Shakespeare, le monde est une scène. Et ça a été publié chez Gallimard en 2009. Oui, mais je pensais à l'autre. Ah, à l'autre. Amour et désamour du théâtre. Moi, je croyais que c'était une belle réflexion. Je crois que ceux qui vont au théâtre et qui ne sont pas aveuglés par l'amour, mais qui ne sont pas non plus désemparés par le mépris, trouvent leur compte dans Shakespeare, où justement, il y a cette extraordinaire... C'est comme un kaléidoscope. Vous tournez, vous voyez une image exaltante, et ensuite vous tournez l'image s'obscurcit. Et peut-être que le Songe de nuit d'été, c'est une des pièces les plus belles qui est belle pour ce qui est du théâtre. Mm-hmm. Donc les répétitions, on répète pour approcher le rôle. Soft Bottom, qui est une sorte d'acteur génial qui est prêt à tout jouer, mais qui est chose intéressante quand même. J'ose pas avancer trop sur cette piste. Bottom, se transforme en âne, mais lui, c'est le meilleur acteur de la troupe. Mmh. Et pourquoi Bottom? Parce qu'il a le génie du théâtre, mais il y a une sorte d'érotisme que des années plus tard, avec les stars, on le retrouvera. Est-ce que Bottom n'est pas la foule des jeunes filles D'ailleurs, le mot de Bottom en anglais, qui signifie le bas, mais qui est aussi une métaphore, évidemment, sexuelle. Quoi. Ben oui, mais c'est un acteur par-dessus tout. C'est que son identité, l'identité de l'acteur. Et je me demande si, comme on dit, vous savez, la fameuse histoire, on demande à Kissinger pourquoi vous voulez tellement le pouvoir, parce que c'est le meilleur aphrodisiaque. Donc peut-être que Bottom, il est élu, devient âne, parce qu'il est celui qui est le plus habité par le théâtre. Ah bah Kissinger, voilà quelqu'un qui est sans doute un personnage bien shakespearien, Georges Banu. Tout à fait, oui. Les métaphores, on sait que Shakespeare les aime particulièrement, et en particulier les métaphores théâtrales qui sont très nombreuses dans son théâtre. Oui, sont énormes les métaphores, parce qu'au fond, Shakespeare se rattache à une vision ancienne, héritée. Je crois que c'est important de dire héritée des Grecs et des Romains. Mm-hmm. C'est que nous jouons une pièce qui est écrite par un auteur qui se trouve au-dessus de nous. Donc, en quelque sorte, nous sommes les marionnettes d'un metteur en scène d'origine supérieure qui, justement, nous distribue. Nous sommes distribués. Et dans les métaphores qu'on trouve dans ce livre, dans cette anthologie, une des références récurrentes, c'est cette idée que qui a été bien distribué et qui n'a pas été bien distribué. Donc, l'idée de libre arbitre n'existe pas trop. Le rôle nous est imparti comme un acteur qui va demain à Chaillot et Christophe Warlikowski lui donne ce rôle et pas un autre. Donc, il s'agit de vérifier la distribution juste de l'acteur. Et deuxièmement, comme dans cette pièce magnifique, comme il vous plaira, où il y a Jacques le mélancolique, il y a une succession de rôles. On ne joue pas un seul rôle. On joue sept rôles des Jacques le mélancolique, différents rôles selon les âges, mais le bonheur consiste dans la relation juste et accomplie avec le rôle qui vous a été imparti. C'est maintenant que je voudrais des esprits à soumettre, un art pour enchanter. Ma fin est désespoir, à moins que la prière qui perce toutes choses et force la pitié et de tout méfait nous délivre, ne vienne à mon secours. Et vous? Si vous voulez de tout crime être pardonné, que par votre indulgence, à la fin, je sois libre. Un extrait de La fin de la tempête, moins peut-être pour le commenter, Georges Banu, que pour le plaisir d'être immédiatement et par le son seulement, plongé dans la mise en scène de Peter Brook, dont on parlera tout à l'heure. Pour conclure un petit peu sur cette idée du théâtre dans le théâtre, mais c'est peut-être un thème qui reviendra également dans l'émission, est-ce que cette réflexion de Shakespeare sur son propre travail et sur le rôle du théâtre dans la société, tout bêtement, est-ce assez commun pour vous chez les dramaturges? Est-ce un thème récurrent? Et en quoi en parle-t-il différemment des autres? Bah, c'est que je crois que c'est la grande thématique baroque, c'est que le baroque, moi la révélation, ma petite révélation que j'ai eue, c'est en relisant l'épilogue où le théâtre est clairement assimilé au rêve, c'est une vision où on n'arrive pas à dissocier clairement la projection, la vision du réel. Et il y a les deux textes les plus célèbres, donc dans Le Roi Lear, en naissant, nous pleurons de paraître sur ce grand théâtre de fous. Mmh. C'est-à-dire que le monde entier est un théâtre, pas seulement localement. Et ensuite, la phrase la plus célèbre qu'on peut écouter à l'Odéon maintenant dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène, et puis qu'on n'entend plus. » C'est-à-dire que la vie est conçue comme un spectacle qui nous met en valeur, mais qui ensuite s'évanouit, et il faut accepter cet évanouissement. Et plus encore, il y a l'enseigne, finalement, du théâtre du Globe, qui ne dit pas autre chose, puisqu'il y est inscrit que le monde entier est un théâtre, que le monde entier joue la comédie. Donc, la troupe de Shakespeare a comme slogan, dirait-on aujourd'hui, cette mise en valeur du rapport entre la fiction et la réalité. C'est tout de même assez raffiné comme approche. Bah, c'est extraordinairement raffiné, mais ce qui était... moi, comme j'ai beaucoup travaillé... C'était bien compris à l'époque, vous croyez, par les spectateurs du Globe ? C'est assez bien compris, je ne sais pas par les acteurs, mais quand les acteurs viennent voir Hamlet, Hamlet se réjouit de retrouvailles avec les acteurs. Hamlet qui a fait ses études à Wittenberg, qui est très savant, très érudit, qui connaît tous les traités sur la mélancolie. Et de l'autre côté, Hamlet dit, mais on était dans la même salle avec le peuple qui gueulait et qui braillait. C'est que ça, l'extraordinaire complicité dans un espace de théâtre entre le peuple et les érudits, on la retrouve que dans le théâtre élisabétain. Et je crois que les acteurs étaient sensibles au fait qu'il s'adressait aussi bien à un marchand de bière qu'à Hamlet qui se trouvait dans la rue. Moi, quand j'étais au Globe, j'ai voulu faire ça, donc je me suis acheté, parce qu'ils vendaient des bouteilles de vin, je me suis acheté une bouteille de vin. Vous étiez au centre, là où il pleut. J'étais là où dans une loge. Non, j'étais au contraire là où il ne pleut pas. Ah, d'accord. Mais tandis qu'en bas, il y avait une bande d'Australiens idiots, mais complètement idiots. Bien, je l'ai trouvé idiot parce qu'il huait les Français dans Henri V. C'est-à-dire que c'est exactement la relation immédiate, banale, d'un public naïf, et de l'autre côté, dans la loge, les gens qui étaient sensibles au discours de Shakespeare sur la vie, la mort. Donc c'était exactement ce qui devait se passer dans Shakespeare au théâtre du Globe. Mais est-ce que les Australiens, ils sont sensibles, selon vous? Je parle pas des Australiens, évidemment, des gens dont vous parlez. Autrement dit, est-ce que tout le monde, tous les gens qui franchissaient la porte du théâtre du Globe étaient sensibles à l'idée que le monde entier joue la comédie? Peut-être. Vous savez, c'est difficile de parler de tout le monde, mais en même temps, je pense que c'est une idée qui est imprégnée dans... C'est une mentalité collective. Et la mentalité collective, on peut la conscientiser, c'est-à-dire qu'on sait qu'on appartient à un spectacle du monde, mais de l'autre côté, on l'a subi, on s'inscrit, on la conteste pas. Donc, c'est vraiment... Et c'est hérité des Grecs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce topos, donc, du monde comme théâtre, va disparaître progressivement avec le siècle des Lumières. Donc vous diriez qu'aujourd'hui, le rapport entre la réalité et la théâtralité est moins fort que ce qu'il était à l'époque? Je me suis préparé pour cette émission et je me suis attendu... J'ai pas eu, vous attendiez à cette question? Qu'on font les politiques, j'ai pas eu un partenaire, mais je me suis dit... Il y a eu le déclin absolu de la métaphore, de la grande vision du monde comme théâtre. Avec les Lumières, quand ça surgit l'idée du libre arbitre, quand nous ne sommes plus distribués par un pouvoir divin, on fait nous-mêmes, on joue nous-mêmes et on construit notre rôle, et qu'aujourd'hui, par exemple, à cette métaphore du monde comme théâtre, répond exactement l'intuition géniale de Guy Debord, qui est la société du spectacle. Mm-hmm. C'est-à-dire, le spectacle a remplacé le théâtre. Et dans ce sens-là, comme vous dites, certains se reconnaissent dans ce spectacle, mais les autres participent presque inconsciemment et ils sont happés par le spectacle. Mais vous pensez qu'il y aura un temps pour le retour du théâtre? C'est une conviction que vous avez, Georges Bannu? Et pas seulement du mais spectacle. Mais vous savez ce qui se passe. Quand j'étais jeune, je ne croyais pas. Quand j'étais jeune, je me suis dit, ben, on va vers la fin, on va vers... Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte de réaction extrêmement intéressante. Les salles sont pleines. Mm-hmm. Les salles pour les grands spectacles, les bons spectacles, elles sont pleines. Parce qu'il y a une réaction à ce, au nom de ce que j'ai appelé, en empruntant le terme de Moscovici, de minorité active. C'est-à-dire, les gens ne se rencontrent pas, ne vont pas au théâtre pour jouer au poker ou je sais pas quoi, mais ils se rencontrent, mais dans un cercle restreint de 400-500. Donc c'est pas brassé comme ça l'était. C'est pas, du c'est temps pas le stade de Shakespeare. France pour Johnny Hallyday. Donc, on est là tous, et d'ailleurs, on m'a parlé de Brooke. Une des grandes découvertes de Brooke, c'est de rapprocher au maximum les acteurs des spectateurs pour qu'on soit ensemble. Parce qu'aussi, ce qu'on comprend, je crois qu'on a besoin de proximité, de présence aujourd'hui, mais on découvre. On parle beaucoup maintenant, je ne veux pas tenir des discours très nostalgiques. Récemment, je parlais avec un acteur de Peterborough, François Martouret. On commence à compter les morts. Mm-hmm. Mais les morts, on ne les compte pas seulement du côté de la scène. On les compte aussi du côté de la salle. Donc, les spectateurs, Bernard Dort, Anne Hubersfeld, des gens qui étaient dans les salles. Donc on se dit... Les critiques, vous voulez dire? Oui, les critiques spectateurs, comme ouais. Ça, donc Michel Cournot. Et on se dit, au fond, nous allons au théâtre en comité restreint, et le temps passe pour nous de la même manière, pour les gens du plateau et que pour les gens mmh. de la salle. Et que cette communauté-là, je pense qu'on la trouve au théâtre autour des mots. Et non pas autour des sons. Vous parlez de Peter Brook, écoutons-le justement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent les thèmes d'aujourd'hui. Alors la grande différence entre cette tentative et une pièce de Shakespeare est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux dans une pièce de Shakespeare. D'un côté, on se retrouve dans la vie avec des préoccupations, des thèmes, des problèmes qui, d'une manière assez étonnante, n'ont pas changé, qui sont les nôtres. Mais il y a une profondeur très très difficile à expliquer, à analyser. On voit mieux l'importance de certaines choses, le manque d'importance d'autres choses. On voit mieux le lien entre des éléments apparemment très disparates dans ce travail Shakespeare, parce que Shakespeare était quelqu'un qui arrivait à faire surgir d'une manière très très claire et très nette des fils de l'existence humaine sans lui-même en imposer le moindre commentaire. Donc, le travail qu'on puisse faire aujourd'hui sur Shakespeare n'est pas de le moderniser. Je ne cherche pas des équivalents modernes pour montrer aux autres notre manière, notre point de vue à nous. Mais de le rendre très proche de nous tout à fait autrement, pour enlever toutes les barrières du théâtre classique, conventionnel, qui nous empêchent de sentir d'une manière très très simple, très directe, le cœur et la réalité de ces pièces. To the light, the kiss beneath bridge of sighs, lots of moaning until they're home and they spoil it all. Lots of moaning. La compagnie des auteurs Sur France Culture, nous parlons de Shakespeare avec vous, Georges Banu. On va revenir évidemment sur les mises en scène de Peter Brook et puis sur la manière aussi de mettre en scène Shakespeare. C'est évidemment capital. Mais avant cela, sur cette profondeur dont parle Peter Brook à propos de Shakespeare, dont il dit qu'elle est très difficile à analyser, j'ai envie de vous poser quand même la question, même si c'est difficile, d'où vient-elle pour vous, cette profondeur particulière des pièces de Shakespeare? Pour moi, la profondeur de Shakespeare vient du fait que l'écriture shakespearienne est comme un sismographe. On ne peut pas s'engager sur un seul registre. J'ai vu récemment au Théâtre de la Colline un spectacle magnifique, Eurydice sur un texte de Jelinek, mais c'est un texte sur un seul registre, le registre tragique. Vous pouvez voir ensuite un autre spectacle, je sais pas, une très bonne comédie qui est sur un registre comique. Tandis que dans la profondeur de Shakespeare vient que il affirme, en même temps que la vie est insupportable, que la vie est difficile à assumer et 10 répliques plus tard, on retrouve des consolations dans l'amour, dans le comique, dans le jeu. C'est un homme de l'en même temps. En même temps, excusez-moi. Il y a eu à un moment donné, vous savez, il y a eu l'époque du frémissement. Il y avait Fabius utilisait le mot frémissement. Mm-hmm. Il y avait un frémissement électoral. Donc, en même temps. Mais je crois que c'est ça dans Shakespeare, que la profondeur vient du fait que on est tout le temps confronté à l'ambiguïté de la vie et à l'impossibilité de... Vous voyez quand même certains spectacles de jeunes compagnies aujourd'hui qui ont un succès fou auprès des jeunes, mais qui s'installent sur un seul registre, celui de la comédie. Mmh. Jelinek, c'est seulement sur celui de la tragédie. La profondeur de Shakespeare, à mon avis, vient du fait qu'elle est tragique et comique. Ce que disait Fitzgerald à ce propos, c'est la marque d'une intelligence de premier plan et que cette intelligence peut se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. J'aime beaucoup cette citation de Fitzgerald qui m'a guidé un tout petit peu dans le livre sur Amour et désamour du théâtre. Au fond, c'est la même idée. Tantôt on l'aime, tantôt on l'aime pas. C'est que on ne peut pas se mettre dans une situation stable comme on se met face. Il y a des gens qui n'aiment pas la peinture et qui aiment la littérature. Donc, tandis que le théâtre, tantôt on l'aime, tantôt on l'aime pas. Et Shakespeare a traduit justement cette ambiguïté qui est une ambiguïté de la vie aussi, pas seulement du théâtre. Et alors comment intervient là la mise en scène? Parce qu'on imagine qu'elle potentialise ce que vous dites ou qu'au contraire, elle est capable d'aplanir richesses de ces contradictions shakespeariennes. Ça a été le génie de Brook. Quand Brook a fait aussi bien Le Roi Lear que Le Songe d'une nuit d'été à Stratford et ensuite Timon d'Athènes au Bouffe du Nord et La Tempête, il a toujours su alterner de manière très claire et très nette le registre tragique et le registre comique. Mmh. Il n'a jamais occulté le registre comique. Je reconnais moi-même que dans La Tempête, parfois, les deux solographes, les serviteurs, j'en ai assez parfois. Donc, mais Brook n'a pas coupé, parce qu'au fond, il avait besoin de cet équilibre entre la grande poésie de Prospero, l'amour, l'extraordinaire performance de Sotigui Kouyaté, et de l'autre côté, ces scènes de Beuvry, c'était comme une sorte de montagne russe. Shakespeare vous entraîne vers le haut et vers le bas. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans l'écriture même, les métaphores shakespeariennes sont les métaphores qui associent le mouvement ascensionnel avec la chute vertigineuse. Alors c'est pas très difficile si on vous entend, Georges Banu, d'être un grand metteur en scène de Shakespeare, puisque il suffirait de s'en tenir au texte, tout le texte, rien que le texte. Ce que vous dites m'attriste parce que on voit aujourd'hui des mises en. Je viens de voir à Rome une mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti à Roi Lear qui était consternant de platitude parce qu'on peut être prisonnier seulement des mots et ce qui est passionnant chez des gens comme Peter Brook ou plus récemment chez Ivo van Hove, que nous avons vu et qui est vraiment, à mon avis, je pense, le grand metteur en scène de Shakespeare d'aujourd'hui, c'est l'engagement dans cet harcèlement, dans cette fracture des êtres entre le plus haut et le plus bas. Mais vous dites bien que Peter Brook reste au plus près des mots de Shakespeare, qu'il ne va pas chercher par une mise en scène trop interprétative à tordre le texte. Brooke, par rapport à d'autres metteurs en scène, a adopté ce qui est là. Ce qu'il considère, et ce qui est à peu près la position de Shakespeare, que c'est la posture d'un auteur anonyme dans le sens que il ne dispense pas de leçons. Il est un auteur qui, en jouant sur les contradictions, invite le spectateur à produire lui-même un sens. Et Brooke a fait ça. Il y a d'autres qui insistent beaucoup plus, comme dans le grand Hamlet de Chéreau. Chéreau insistait, focalisait tout le spectacle sur Hamlet et la mélancolie d'Hamlet. Et c'est pour ça que c'est une des plus grandes créations d'un acteur français, Gérard de Sartre dans Hamlet. Mnouchkine a fait ce Shakespeare dans une dimension formaliste orientale. Mais pourquoi ? Pour créer un imaginaire shakespearien. Je crois que Shakespeare, c'est le test. Shakespeare, c'est vraiment le test de la difficulté et de la joie du théâtre. Il faut de la modestie pour mettre en scène Shakespeare ? Pas trop de modestie. Pas trop de modestie, mais pas trop de visibilité non plus. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Georges Bagnu, nous allons évidemment poursuivre cet entretien sur la mise en scène des pièces de Shakespeare et plus globalement sur son rapport au théâtre. Mais tout de suite, c'est le moment d'aller voir ce qui se publie chez nos confrères de la presse littéraire et aujourd'hui chez ceux du nouveau magazine littéraire. C'est évidemment avec vous, Alexis Broca. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Georges. Un mot peut-être sur ce qui a été dit sur Shakespeare par Georges Bagnu, car je vous ai vu très attentif concentré. J'étais attentif et que concentré. Que se passait-il sous ce crâne? J'étais très intéressé par ce que vous disiez sur la façon dont Shakespeare peut déployer des vérités contradictoires dans la même pièce et sur la même scène. Je pense que c'est là que commence la littérature. Hein. C'est au moment où on arrive justement à sortir d'un propos monolithique et qui peut être politiquement dédié, etc., où on arrive justement à saisir ces vérités complexes que nos écrivains poursuivent en roman à travers des métaphores ou en poésie à travers des effets, des figures. Là, je connais pas évidemment assez bien Shakespeare. Mais c'est l'écrivain qui parle en vous, donc vous parlez aussi peut-être qu'il y a un seul auteur qui arrive pas avec la joie exaltante de Shakespeare, mais peut-être que c'est Beckett. Oui, peut-être. Chez Beckett, en effet, on trouve cette dimension tragique et comique. C'est vrai, le monologue de Lucky dans Godot, en effet, c'est vrai, il y a à la fois cette clownerie et cette tragédie. Et la dimension tragique. Et du coup, on a une impression de vérité, alors même que nos vies ne ressemblent pas, stricto sensu, aux pièces de Beckett. C'est vrai. L'impression de vérité, on l'a aussi en lisant le nouveau magazine littéraire dont vous êtes venu nous parler, Alexis, vous consacrez votre dossier à Antigone. Voilà, alors en fait, dans le sillage, nous suivons notre nouvelle ligne éditoriale où nous considérons le monde et l'actualité à travers les littératures, nous nous sommes intéressés à la révolution féministe et notamment à travers la figure d'Antigone. Antigone, vous le savez, elle est à la fois fille et demi-sœur d'Oedipe, elle est sœur aussi d'Éthéocle et de Polynice qui s'entretuent pour le trône de Thèbes et elle est condamnée par son oncle Créon pour avoir tenté d'ensevelir Polynice, décrit comme traître pour avoir assiégé sa cité. Alors Sophocle en a fait une pièce magnifique, Anouilh aussi, et depuis Antigone est devenue dans notre imaginaire collectif la figure de celle qui dit non, Et ce nom, évidemment, va prendre de sacrées résonances politiques à l'heure de la révolution féministe que nous sommes en train de vivre. Et pour explorer ces résonances, nous avons demandé notamment à la romancière algérienne Kaouter Hadimi de nous parler de ces Antigones telles qu'elle a pu les voir en Algérie. Et en effet, dans son article, elle revient sur la figure d'une de ses amies qui refuse de comprendre une demande en mariage assez maladroite, où le postulant, comme ça se passe dans les pays du Maghreb, envoie sa mère contacter la mère de l'amie de Kaouter Hadimi pour lui assurer que s'il l'épouse, eh ben, il la laissera travailler et voyager. Et c'est donc là où se rejoignent l'actualité et l'histoire littéraire, voilà, un nouveau concept de votre magazine. Voilà, et donc évidemment, l'ami de Kaouter Hadimi éclate de rire, et c'est un nom. Et Kaouter Hadimi termine son article en montrant à quel point les archétypes qui ont été fixés par la pièce de Sophocle sont toujours opérants. Elle voit beaucoup de créons dans le monde d'aujourd'hui. Elle explique que nos sociétés sont régies par des créons qui se cachent à tous les coins de rue. Ces créons vous expliquent que les lois et les règles sont équitables et que la femme peut être mère, ministre ou présidente. Et à partir de là, il n'y a plus rien à changer. Voilà. Elle identifie aussi des Ismènes, du nom de la sœur d'Antigone qui se dérobe. Et elle identifie aussi, bien entendu, des Antigones. Elle a de jolis mots à leur propos. Elles sont en couverture du Times. Elles sont dans les yeux des femmes qui vous fixent dans le quartier de Bab el-Oued. Elles sont mon amie au rire joyeux qui va remballer Mourad le Russe. Elles vont conquérir les manuels scolaires, les prix littéraires, les comités de direction. Elles sont autour de vous. Voilà. Si au magazine littéraire, on avait voulu parler de ce thème des femmes avec Shakespeare, qu'est-ce qu'il aurait fallu traiter comme sujet, Georges Banu? Ah ben, il y a toutes les femmes dans Shakespeare qui partent à la recherche de leurs amours, donc et surtout je pense que la plus intéressante c'est Portia dans Shylock qui devient juge et qui sauve son amant en inventant une sorte de jurisprudence inimaginable. Mais là c'est pas seulement la force amoureuse de la femme, mais c'est aussi l'intelligence politique d'une femme. Et ben voilà, Alexis, de nouvelles idées pour de prochains numéros. Merci beaucoup. Et puis donc, je donne rendez-vous aux auditeurs en kiosque pour le numéro 2 du nouveau magazine littéraire. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous sommes toujours avec Georges Banu pour parler des mises en scène de Shakespeare et de la manière qu'avait le dramaturge de considérer le théâtre en général, avec aussi, en filigrane de cette émission, la présence du metteur en scène Peter Brook, qu'on écoute de nouveau en archive. À l'intérieur d'une phrase Shakespeare, il y a parfois trois mots qui prennent leur effet parce qu'ils sont tellement quotidiens que ce sont des mots presque banals, mais qui dont la banalité est transformée par le mot voisin, qui est un mot extraordinairement poétique. Si toute la phrase devient poétique, c'est la trahison complète de ce style mélange qui est le style élisabéthain, et c'est tout retombe au niveau banal, c'est une autre trahison, parce que le vrai style, c'est cette série de ruptures inattendues qui exige à son tour un style de jeu qui aussi est un style anti-style. C'est-à-dire l'acteur doit passer continuellement par une série de mouvements intérieurs qui sont comme les changements de vitesse d'une voiture. Ce n'est pas la voiture sans boîte de vitesse, mais c'est ce passage continuel entre des vitesses différentes. Et la vitesse, dans ce cas-là, symbolise le niveau quotidien auquel il faut toujours revenir pour que l'action soit vraisemblable. Et les autres vitesses, qui sont des mots et des phrases de plus en plus éloignés du quotidien pour attraper ces autres dimensions qui font toujours partie de l'ensemble des épées. entretien avec Guy Dumur en novembre 1971. Que souhaiteriez-vous ajouter à ce qui a été dit par Peter Brook sur le style de Shakespeare? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition qu'il en donne? Oh, moi, je suis toujours d'accord avec Peter Brook. Donc, j'étais un peu... D'abord, j'ai été séduit par ces spectacles, justement parce que les grands spectacles de Brook se sont inscrits dans la grande rupture marquée par le livre de Ian Cott, Shakespeare, notre contemporain. Donc, Ian Cott, théoricien polonais, a eu cette intuition que Shakespeare est justement une sorte de figure du monde actuel où on retrouve et les échos de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'est la dévastation, la destruction, etc. Et de l'autre côté, Beckett. Donc, Brooke, quand il a fait le roi Lear, il l'a fait à la suite de la rencontre avec Ian Cott, et il a continué ensuite dans cette lignée pour s'éloigner ensuite pour faire des spectacles plus polychromes, si vous voulez, marqués plus par la diversité culturelle et ethnique sur le plateau. Hamlet chez lui est une sorte de vision planétaire du monde, etc. Mais ce qu'il dit de Shakespeare, nous, on a fait un livre publié aux éditions Actud qui s'intitule Shakespeare, avec Shakespeare, que je recommande parce que c'est une sorte de manuel sans avoir l'air d'être un manuel. Mais en même temps, Brooke a suscité des réactions. Par exemple, dans un documentaire que j'avais fait avec Jean-Michel Desprats pour l'INA, Ariane Nouchkine est tout à fait contre la position de Brooke en disant « Ce que je veux, c'est d'avoir un Shakespeare éloigné. Il ne faut rien traiter comme étant notre contemporain. » Donc il y a cette tension entre la démarche de Brooke, parce que Brooke, il le disait tout à l'heure, contemporain ne veut pas dire, comme on le fait souvent à l'opéra et tout le monde était contemporain ne veut pas dire enfiler un jean et se faire tatouer les bras. Être contemporain, ça veut dire découvrir les pulsions profondes qui approchent des personnages de nous, pas seulement des signes extérieurs. Là, Shakespeare, de toute façon, n'est pas démodable, puisque l'être humain ne se démode pas dans ses sentiments les plus profonds. Il n'est pas démodable, mais pour démontrer qu'il n'est pas démodable, il ne suffit pas de le maquiller, de le travestir à un auteur qui a écrit aujourd'hui. Je crois que ce qui est intéressant dans les grandes mises en scène, par exemple les Rois de la Guerre de Ivo van Hove, le génie de van Hove consistait dans le fait de jouer en même temps sur la dimension historique, on voit la couronne. On voit le tapis rouge, c'est-à-dire on voit des signes de l'histoire, mais en même temps on voit un hôpital, le monde comme hôpital, qui est un des lieux communs de la mise en scène actuelle. Et donc cette jonction des durées me semble la chose la plus pertinente. Mais quelqu'un comme Nouchkine ou même Peter Stein, mais même Nouchkine dit avec une phrase qui m'a marqué, il ne faut jamais traiter quoi que ce soit comme étant notre contemporain. Alors, il y a aussi la question de quels acteurs pour jouer Shakespeare. Dans le livre dont vous parliez à l'instant, avec Shakespeare, vous dites que, ou alors c'est peut-être Peter Brook qui le dit, que finalement Lear est injouable, inconcevable, sans un grand acteur capable d'assumer le rôle titre. Pourquoi est-ce que cette assertion vaut plus pour Shakespeare que pour d'autres dramaturges? Parce que elle vaut, je pense, pour Antigone aussi. C'est que pour des pièces qui sont s'appuient sur un pilier, sur un socle. Moi, je dévoile pas un super secret, mais quand j'ai vu le roi Lear de Brooke, j'étais absolument ébloui par le fait que, contre la tradition, le roi Lear n'avait pas 80 ans sur le plateau. C'était un homme puissant. qui était extrêmement actif sur le plateau, et j'ai écrit toute une théorie sur le changement de vision de Lear effectué par Brooke. Mmh. Et quand j'ai demandé à Brooke il m'a dit oui, c'est vrai, mais j'ai fait le roi Lear parce que j'avais Paul Scofield. Mmh. Et depuis, je suis assez attentif. C'est que là, aux metteurs en scène qui sont s'engagent dans un tel projet parce qu'ils ont le matériau humain qui leur permet d'aller le plus loin. Donc, parce qu'il avait le Paul Scofield. Mais c'est la très tempête. Rare des acteurs qui peuvent faire ça. Non, ça dépend de metteur en scène, de rencontre avec un acteur. Donc, bon, Chéreau, il a fait avec De Sarthe parce que il travaille avec De Sarthe. Donc, parfois, quand il n'y a pas le protagoniste, les pièces de Shakespeare un peu pâtissent de cette absence d'aura centrale. Mmh. Il y a par contre, je crois que ce qu'on peut signaler, c'est que il y a les grandes étoiles du cosmos shakespearien, Hamlet, le roi Lear, mais que Brooke a été à l'origine de ça. Ce qui est intéressant ces derniers temps, c'est les voyages de découverte des pièces peu connues. Mm-hmm. On quitte l'autoroute d'Hamlet pour prendre le sentier du conte d'hiver. Et qu'est-ce qu'on découvre alors? Ben, on découvre un Shakespeare beaucoup plus frais. On n'est pas comme à l'opéra, on entend Aïda ou Norma, donc qu'on le veuille ou non, quand on voit Hamlet, on attend être ou ne pas être, etc. Tandis que dans le conte d'hiver, en dehors de ma femme qui a travaillé des années sur le conte d'hiver, j'ai jamais compris pourquoi. Je crois qu'il y a très peu de gens qui connaissent bien. Donc tout d'un coup, Shakespeare, les pièces secondaires de Shakespeare révèlent une partie non galvaudée. C'est une lumière qui surgit d'un matériau peu fréquenté. Par exemple, même comme il vous plaira, qui est rarement joué, Declan Donnellan a fait un chef-d'œuvre. Et même Declan Donnellan, parce qu'il n'a pas eu d'acteur pour Othello, c'était plus ou moins bien. Mais ça, c'est l'histoire de la réception de Shakespeare, au fond, qu'on entend dans ce que vous dites, et de la façon dont le public, mais peut-être aussi l'université, peut-être aussi la critique, a vu Shakespeare. D'ailleurs, vous-même, vous expliquez que votre œil a évolué, votre manière de regarder Shakespeare n'est plus la même que celle que vous aviez quand vous avez commencé à vous intéresser au théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution de votre regard, peut-être aussi en parallèle avec l'évolution du regard du public en général sur Shakespeare? Vous savez, il y a la fameuse phrase finale. On dit que c'est une des phrases finales testamentaires de Prospero dans La Tempête. Et Prospero qui quitte l'île, qui laisse les jeunes s'installer, devenir le nouveau roi. Prospero dit « Nous sommes faits de la matière de nos rêves. Mm-hmm. » Donc, je crois qu'un spectateur à un certain âge, comme c'est mon cas, est fait de la matière des spectacles qu'il a vus. Les spectacles... Donc, vous êtes de plus en plus un être composé de rêves, c'est ça? Oui, les spectacles comme rêves, des spectacles dont je me souviens, par exemple, Othello de Tzadek, c'est un rêve très éloigné, un spectacle que j'ai vu à Bobigny, je crois, où l'idée géniale de Tzadek, c'était d'avoir un Othello blanc, pas un noir, et Iago, à force de l'embrasser faussement, mmh. amoureusement, Iago devient noir lui-même. Donc, c'est des métaphores, comme je disais, comme d'un songe, mais cette pièce, mesure pour mesure, tout le monde la considère comme ennuyeuse, comme, un peu une pièce didactique, disait Sobel. Mais quand on l'a vu à l'Odéon, dans la mise en scène de Tzadek, avec Isabelle Huppert, dont Je me souviens même aujourd'hui de ses larmes, de sa présence, de cette extraordinaire obstination amoureuse. Donc, on ne peut pas rester indifférent quand on revoit la deuxième fois la même mise en scène. Et donc, forcément, on n'est plus tout à fait, disons, ouvert. Il y a un étalon de l'accomplissement de cette pièce par rapport auquel on juge justement ou injustement la production récente. J'ai toujours ressenti que Hamlet était une œuvre non pas collective, mais écrite à la diable, et tout près par conséquent des comédiens qui allaient la jouer. J'ai le sentiment que Shakespeare a écrit Hamlet en 3 ou 4 jours, et la preuve en est que Hamlet se reprend sans cesse, vous l'avez remarqué, il cherche ses mots. C'est Shakespeare lui-même qui cherche ses mots sur la page qu'il utilise. Il fait les ratures, il a intégré avec génie en quelque sorte les ratures de son propre rapport à lui-même dans les hésitations de Hamlet comme tel. Hésitations qui ont évidemment un sens profond dans ce moment historique de grande crise où l'ordre du monde médiéval s'écroule et où Hamlet doit se débrouiller comme il peut. L'homme nouveau, la femme nouvelle doivent se débrouiller comme ils peuvent dans une situation qui est, pour un moment encore, ou pour toujours peut-être, sans repère. Yves Bonnefoy, interrogé par Christine Le Cerf, est-ce que vous diriez, Georges Banu, qu'on sent la vitesse d'écriture de Shakespeare dans Hamlet, qu'on sent sa main sur le papier? C'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas assez spécialiste d'anglais, mais vous savez, ça c'est une très belle phrase poétique des metteurs en scène. Vous connaissez très bien Gruber, le grand metteur en scène allemand, qui disait, quand il avait mis en scène Bérénice à la Comédie française, il disait « Je veux entendre la plume de Racine ». Je crois que ce sont des indications que... très bonne pour les acteurs, pour donner le rythme. Moi, je suis sensible à la vitesse de la représentation, mais saisir cette vitesse, je suis pas traducteur non plus. Mais vous considérez que lire en français Shakespeare, ça n'est pas perdre trop par rapport à sa lecture en anglais? Brooke dit que non. Brooke dit que non, parce que... On peut lui faire confiance. Il dit que non, il a traduit avec Carrière, Timon d'Athènes. Eux, ils ont trouvé la fameuse théorie des mots rayonnants. C'est que pour casser justement la syntaxe française, qui est un peu plus rigide que la syntaxe anglaise. Moi, ça peut paraître nationaliste, et je m'en excuse, je me retrouve plus... dans les traductions roumaines, parce que je suis roumain, que dans les traductions françaises. Mm-hmm. Parce que le roumain est un peu désaxé, désorganisé comme l'anglais, et la puissance d'un mot est vraiment, ça produit une déflagration qui est beaucoup plus concentré. Mais c'est la langue, c'est pas la qualité de la traduction. Moi, je pense que c'est la langue. Ouais. Je pense que c'est la langue. Et d'ailleurs, les grands traducteurs qui sont à l'origine du renouveau de Shakespeare, ce sont les traducteurs allemands de la fin du 19e siècle, Schlegel, les frères Schlegel, qui ont modifié le paysage théâtral européen grâce à la traduction. Mais aujourd'hui, il y a les traductions de Jean-Michel Desprats que je trouve extrêmement dynamiques, plein d'énergie. Lui, il traduit vraiment pour le plateau et pour l'édition. Mm-hmm. Tandis qu'il y a beaucoup de traducteurs qui traduisent plutôt pour, ou qui ont traduit plutôt pour l'édition. Vous pensez qu'on peut lire les pièces de Shakespeare finalement avec autant de plaisir que quand on les voit jouer, où il y a quand même quelque chose de l'oralité qu'il faut et de l'incarnation qu'il faut avoir? Moi, pour vous dire, ça a l'air prétentieux, mais moi, je lis parfois l'été des pièces de Shakespeare dans un fauteuil, comme disait Alfred de Musset. Donc bon, et je lis ces pièces de Shakespeare dans un fauteuil et je me réjouis chaque fois de la richesse de la richesse de ces métaphores, de cette avalanche de mots, de cette énergie. Bien entendu, quand on voit Hamlet de Ostermayer, les premières 20 minutes d'Hamlet d'Ostermayer, c'est un séisme. C'est tout d'un coup, la pièce acquiert une dimension tragique incroyable à laquelle on n'avait pas pensé. Donc, heureusement, c'est que une pratique n'exclut pas l'autre. Oui. Moi, je ne fais pas l'éloge uniquement des pièces représentées, mais je me réjouis quand je vois La Tempête de Strehler, qui était le grand chant de cygne d'un des plus grands metteurs en scène européens, qui voulait dire adieu au théâtre en mettant en scène La Tempête. Là, c'est une vision tout à fait... testamentaire du théâtre, à laquelle je ne peux pas accéder seul. Je crois aussi que j'ai vu une fois une exposition à Milan sur les Vierges. Et c'était une très belle exposition, mais je me suis dit, au fond, l'art sacré a adopté le même principe que la mise en scène par rapport au répertoire. C'est que la Vierge était l'équivalent pour moi d'Hamlet. C'est que je voyais une dizaine de Vierges, et parce que je suis occidental, je voyais les différences. Et parce que je suis occidental, je vois et j'aime la nuance entre un Hamlet et un autre. Merci beaucoup Georges Banu. Votre livre Shakespeare, Le monde est une scène, métaphore et pratique du théâtre, a paru chez Gallimard en 2009. Je recommande également le livre Avec Shakespeare que vous avez préfacé, c'est surtout préfacé. Le livre de Peter Brook. Lundi prochain, nous revenons en France avec un écrivain voyageur puisque nous parlerons de l'amateur de train et d'hôtel qu'était Valérie Larbeau. Ce sera lundi avec Béatrice Mousseli, sa biographe. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie, bonjour la poésie. Jean Portante cette semaine. Jean Portante cherche une langue à ses fantômes, comme une garde d'honneur aux nageurs d'ombre qui, sous la surface de l'eau, touchent au commencement des choses. De retour vers un avant d'avant l'avant, avec ces villages fantômes que le séisme a secoués, racontant le sacrifice des racines au profit d'un maillon instable, subaquatique le plus souvent. Laissons passer 2 secondes. Avant de prendre, après le tremblement, un extrait d'après le tremblement paru au castor astral, devant la grille fermée du cimetière, comment ne pas me dire qu'il y a au moins une justice quand la terre est retournée? Ceux qui vivent resteront dehors cette fois, et à l'intérieur, ce qui est mort. Visible enfin la frontière séparant les uns des autres, une telle exclusion donne cependant presque envie de mourir. On offrirait sa mort pour franchir le seuil. On désirerait furieusement qu'un passeur légendaire nous escorte jusqu'à l'autre côté pour voir ce qui s'y oublie. Tu m'entends, j'en suis sûr, l'appeler. Mais la grille ne s'ouvre pas. Est-il révolu le temps où pour un oui ou un non, on entrait dans le pays de la mort? Est-ce dire que le retour est désormais impossible? Est-ce dire, dis-moi, que jamais plus tu ne reviendras? Prenons dans La tristesse cosmique, aux éditions Filles, auxquelles Jean Portante est très lié, que reste-t-il à voler au chaos? Ses lianes fuyantes, sa forêt vierge plutôt, ou son début à l'ombre du temps, un présage surgit plus pâle qu'un souvenir. Je referme les yeux et le voleur s'enfuit. Les cyprès devant le cimetière sont plus maigres que les tombes à force de ne plus se nourrir de la tristesse de leurs écailles. Plus haut la forêt recompte ses lianes, que reste-t-il à voler aux cyprès? Les yeux fermés. L'espace plutôt qui maigrit, où le voleur, quand la table du temps est mise, a-t-il mangé sans voler la faim? quand par terre ne reste que l'ombre et dans le ciel le soleil et pas de corps ni de maison ni d'arbre à perte de vue, quand tout ça, la tristesse cosmique n'a plus d'objet. Elle qui vivait du va-et-vient des choses dit alors au temps et à ceux qui le gèrent d'arrêter le décompte. Arrêtez de compter, dit-elle, ou compter à voix basse, ou allez compter ailleurs, là où le mystère est un fil et le corps une femme, et la maison une naissance, c'est là qu'il faut recommencer à compter. C'est là qu'un arbre est le premier arbre, et un autre le deuxième, et le temps qui passe une somme confortable, car qui vit dans sa naissance n'a pas besoin d'ombre. Et qui a le corps d'une femme, tient par un bout le fil du mystère. À la fin de la tristesse cosmique. 6J, page 99. Une fois de plus, la nuit venue, je te terre en moi, comme une vie que je t'aurais volée. 6J est-il écrit dans mes yeux, qui m'endorment, l'éternelle captive. Deux nous avons été, deux nous resterons, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez cette semaine des poèmes de Jean Portante, et puis moi j'ai annoncé le programme de la semaine prochaine, sans oubliant de vous préciser que demain évidemment on continue de parler de Shakespeare, ce sera avec Pascal Drouet et Daniel Bougnon.